Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Nous sommes très heureux de présenter ce nouveau numéro de Méditons Ensemble en votre compagnie. Merci de suivre Méditons Ensemble pour ce lundi 16 mars 2020. Le lecteur de la Bible nous propose à cette date la lecture de Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Bonjour, Président Ndori. Bonjour, frère Adombi. Nous avons plaisir à recevoir le Président Ndori Hachi Jean, membre d'honneur de la Ligue pour la lecture de la Bible, pour l'ouverture de la semaine. Nous allons lire ce texte, nous allons l'observer, l'interpréter, l'appliquer à nos vies en vous proposant des textes d'application, des propositions pour l'application. Cette émission est mise en onde par Emmanuel Yao. Je suis à Dombi à l'ESPACOM pour la présentation. Sans plus tarder, nous allons permettre au président Ndori Hachi Jean de nous confier la grâce de Dieu par la prière. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de nous avoir réveillés en bonne santé et nous voulons nous nourrir de ta parole. Seigneur, nourris-nous de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci de lire avec nous le texte du deux jours. Il s'agit de Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Nous lisons dans la Bible, version seconde 21. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'ils n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Versets 30 et 31 pour mettre fin à notre lecture. « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. » Amen. Bienvenue à Méditons Ensemble, chers amis auditeurs. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour ce début de semaine. Nous sommes le lundi 16 mars 2020. Le lecteur de la Bible nous donne de lire Jean chapitre 14, les versets 15 à 31. Nous avions fait la lecture dans la version Louis II, 21. Nous sommes avec le président Ndori Achigenre. Bonjour, président. Bonjour, frère Adombi. Bonjour, chers auditeurs. Merci, président, d'avoir accepté de prendre part à cette émission. Nous allons commencer l'observation avec le contexte de ce passage, puisque nous lisons déjà à partir des versets 15. Quel est le contexte de ce passage? Alors, parlant du contexte de ce passage, à partir du chapitre 13, vous voyez que Jésus, voyant la fin de sa mission arriver, parce qu'il est venu pour une mission, Jésus va donc commencer à affronter ce qu'il appelle la coupe amère. Avant de l'affronter, il donne, à partir du chapitre 13, comme je l'ai dit, ses dernières volontés, semblable à un père qui, voyant sa fin finir, donne à ses enfants ses dernières volontés. Il rassure ses disciples sur le sens de ce qui va se passer. Il leur rappelle « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les disciples sont troublés au mot de trahison indiqué dans le chapitre 13 au verset 21 et à la pensée de perdre Jésus. Ils essaient de leur expliquer le sens et la nécessité de tout cela. La mort est aussi retour vers son Père. Sa dernière volonté, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Signe de la reconnaissance du disciple. Parce que si vous ne vous aimez pas, comment le monde peut vous reconnaître comme étant différent? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais et vous préparez une place. Donc ça veut dire qu'il est avantageux même que j'aille. Verset 14, le verset 3. Croyez en moi et vous ferez des choses plus grandes, des œuvres plus grandes. Voilà, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur va amener ses disciples à resserrer les rangs pour ne pas faillir. D'accord, donc nous sommes dans les derniers instants de la vie terrestre de Jésus. Voilà. Et Jésus tient ses derniers discours, on peut le dire. Alors, le texte, c'est les versets 15 à 31 de Jean, chapitre 14. Alors, de quoi parle ce texte? Alors, si on veut répondre à cette question, ce texte parle de l'amour de Jésus qui ne peut être séparé de l'obéissance. Aimer Jésus, c'est obéir à ses commandements. D'accord. Et donc, obéir à sa parole, c'est dit clairement au verset 15. Promesse de Jésus à ses disciples. Il leur promet un consolateur. Un consolateur. Dans certaines versions, on parle d'un défenseur. Le Saint-Esprit et sa résurrection. Donc, voilà. Et de quoi ça nous parle? D'accord. On va aller dans les détails de l'observation avec le découpage proposé par notre invité, le président Ndori Achigenre. Alors, premier découpage, premier point, le verset 15, condition de l'amour de Jésus. Alors, le verset 15 nous indique clairement la condition de l'amour de Jésus. Si je dis, en d'autres termes, il est écrit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Jésus, c'est ça, aimer Jésus. Et par endroit, il a dit, gardez ma parole. Oui. Et je me rappelle qu'il a dit, je vous donne un commandement nouveau qui consiste à aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, de toute notre âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, le fondement de l'amour de Jésus. Si je dis que j'aime Jésus, que je n'aime pas mon frère, c'est faux, je n'aime pas Jésus. Ça, c'est ça, le verset 15. D'accord. Deuxième mouvement, le verset 16 à 17, promesse du Saint-Esprit. Oui. Alors, la nature a horreur du vide. Oui. Le Christ, voyant sa fin, la fin de sa mission, va quitter ses disciples pour aller au Père, mais il faut quelqu'un pour les défendre. Le défenseur. La version qui a été lue, vous voyez qu'on parle de défenseur. Défenseur, oui. La version Louis II parle de consolateur. Il s'agit du Saint-Esprit. Et Jésus le promet, il dit, je m'en vais, mais au plan leadership, rien ne sera vide. Oui. Il y aura toujours un remplaçant. Dieu le Fils s'en va, Dieu le Saint-Esprit sera là pour vous défendre. D'accord. Troisième mouvement, le verset 18 à 24, Jésus console ses disciples, Jésus s'en va. Oui. Il a surtout des paroles de consolation pour ses disciples. Tout à fait. Alors, il n'y a pas meilleure parole de consolation que de promettre un défenseur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et à partir du verset 18, il a dit clairement, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » Mais alors, Jésus va déballer tout le circuit de ce qui va se passer qui s'appelle en fait la coupe amère. Il va certes affronter la mort et dans le but de libérer de la libération des humains sur la terre. Parce que sa mort va payer le prix de nos péchés pour que nous soyons aussi libres. La défense de Jésus de l'humanité consiste à s'offrir lui-même à la place de nous tous pour que nous ayons la vie. Mais après, il ressuscitera, c'est une bonne nouvelle, et il montera aux cieux, mais alors pour nous préparer une place, et il reviendra nous chercher pour que nous soyons avec lui. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui ne peut se comprendre que par la foi. Amen. C'est ceux qui ont la foi qui peuvent comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Sinon, tous ceux qui vivent de doutes, de raisonnements humains, ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, pendant que je vous parle, si vous ouvrez votre cœur, la foi de votre cœur, vous allez comprendre qu'il est avantageux pour un homme de mourir pour l'humanité. D'accord. Alors, dans le prochain mouvement, le verset 25 à 26, Jésus va indiquer clairement le rôle du Saint-Esprit. Oui. Alors, 25 à 26, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est un enseignant qui arrive. Il vous enseignera la parole et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, l'élève a tendance à oublier. Et c'est en cela que la répétition est pédagogique. Il faut ressasser. Le Saint-Esprit viendra un véritable enseignant pour aider à consolider ce qui n'a pas pu être consolidé, pour nous raffermir, nous raviver. Et voyez-vous, en ce moment où je vous parle, le Saint-Esprit est avec nous parce que le Consolateur est là pour nous préparer à rencontrer le Christ qui revient pour le jugement de l'humanité. Donc, nous ne devrions pas oublier un seul iota de ce qu'il nous a enseigné. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. D'accord. Alors, Jésus fait un deuxième don après le don du Saint-Esprit. Oui. Il donne sa paix à ses disciples. Le verset 27 à 28. 27. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde parle de paix. Oui. Mais de quelle paix? Jésus dit, je vous laisse la paix. Oui, la paix. Avec un article défini. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Voyez-vous, le don de Dieu est gratuit. Ce que l'humanité donne est toujours sous caution. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, il vous attend au tournant pour que vous lui dites forcément merci ou bien que vous lui soyez redevable. Jésus-Christ ne donne pas pour recevoir. Il donne gratuitement. Et cette paix qu'il nous donne, c'est cette paix qui fait qu'aujourd'hui, nous autres, nous avons la paix intérieure, tranquille. Parce que, comme dit le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. La paix vous met dans une situation d'homme sans crainte quand la terre est bouleversée. Aujourd'hui, tous ceux qui marchent avec le Christ sont tranquilles, qu'il y ait une épidémie ou pas. Ils sont tranquilles. 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint parce que nous avons la foi pour sauver nos âmes. C'est cette paix-là cette tranquillité permanente, à côté d'une paix dangereuse du monde qui est émaillée de violations des cessez-le-feu. Et constamment, on est en train de s'entretuer, d'attendre au tournant l'autre, alors qu'on vous a réconcilié. Mais cela n'est pas suffisant. Une réconciliation de façade. Jésus nous donne la vraie réconciliation et Jésus nous donne la paix intérieure. Je vous donne la paix. Ça, c'est cet élément important pour notre pays aujourd'hui qui vit une sorte de vie de sans-guerre, une situation de sans-guerre qui est assimilée par certaines personnes comme étant la paix, alors qu'en réalité, les gens se regardent en chien de faïence. Jésus, lui, quand il vous donne la paix, il vous la donne totalement, gratuitement. Et cette paix fait qu'il y a tranquillité pour tout le monde. Il y a confiance. Que la paix de Jésus-Christ envahisse toute la Côte d'Ivoire. Amen. Et alors, que les méchants reculent. D'accord. Le dernier mouvement, le verset 29 à 31, oui. Vont conclure pour ce texte le discours de Jésus. C'est l'heure de partir. Oui. Pour tout à fait. Jésus. Le maître se rend compte qu'il a trop parlé. Mm-hmm. Et comme lui, il voit de loin. Il se rend compte que l'ennemi arrive. Alors, il va essayer de mettre à l'abri. Il dit, partons d'ici, parce que l'heure est proche. L'heure de partir est arrivée, parce que le prince du monde arrive. Partons. Jésus voit. Il voit de loin. Donc, il s'éclipse parce qu'il n'est pas encore l'heure. D'accord. Donc, il part avec ses disciples. Merci de suivre. Méditons ensemble, chers amis auditeurs. Le texte que nous lisons, c'est Jean chapitre 14, versets 15 à 31, avec le président Ndori Hachu Jean. Nous allons, après l'observation, interpréter le texte. Cette partie va nous permettre en trois questions de le faire. Le président va commencer avec ce que ce texte nous apprend sur la nature, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur la nature? Sur la nature et l'œuvre de Jésus-Christ. Au verset 14, il est dit clairement, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus-Christ fait ce que nous demandons. Puisque nous sommes en lui et lui en nous, chaque fois que nous lui faisons une doléance, il sait que c'est un de ses disciples. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La condition qui montre que nous aimons Jésus, c'est que ce qu'il nous a dit, nous respectons cela. Garder les commandements veut dire obéir à tout ce qu'il nous a dit. Vous ne ferez pas ceci, ou bien vous ferez cela. Voilà comment vous devez prier. Il nous a même appris à prier. Mmh. Voilà comment nous devrions être généreux. Il nous a enseigné à être comme lui. Et c'est ça. Si nous commençons à appliquer, c'est là que ceux qui nous regardent vont dire « Il aime Jésus ». C'est exactement ça. Et au verset 16-17, Jésus promet un autre consolateur. Il ne laisse pas le poste vide. Il part, mais il pourvoit un défenseur, le Saint-Esprit. Voilà, en quelque sorte, ce que ça nous apprend sur Jésus. D'accord. Est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir? Oui. Alors, le verset 15 est clairement un ordre important à obéir. D'accord. Gardez mes commandements. Il a dit, c'est impératif. Si c'est Jésus-Christ que nous voulons servir, nous devons garder ses commandements. D'où vient alors que beaucoup de gens servent Jésus et ne gardent pas ses commandements? Garder ses commandements, c'est ne plus mentir. Oui. Or, c'est sur fond de mensonge que la gouvernance est faite dans les États, pourrais-je dire, sauvages en général. C'est sur fond de tricherie, quelquefois sur fond de meurtre, pour adorer des fétiches, pour se maintenir au pouvoir, que la gestion est faite. Jésus-Christ dit de garder ses commandements. Tu ne tueras point. Si vous voyez un peu les vices qui régissent aujourd'hui la société, sont en contradiction avec les commandements de Jésus. Donc, c'est pour cela que il est clairement dit que nous devons obéir, garder les commandements de Jésus. Si nous voulons avoir la paix, si nous voulons avoir une vie, la vie éternelle, c'est une des conditions sine qua non pour que nous soyons permanemment attachés à Jésus-Christ en gardant les commandements, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, cette prière qui nous a été enseignée dit bien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les gens récitent ça machinalement, mais ont emprisonné plein de gens dans leur cœur. Certains ont emprisonné d'autres dans des prisons diverses et ne voient pas l'intérêt de recréer, de décrisper l'atmosphère. Et ainsi, le monde est troublé. Le monde a un visage laid. Les gens sont tristes, les gens pleurent de partout. Partout, il y a des affamés. Pourquoi ? Parce que les gens ne gardent pas les commandements de Jésus. Si nous gardons les commandements de Dieu, la vie sera paisible pour tout le monde. D'accord. Malheureusement. Alors, on va fermer la porte de l'interprétation avec les vérités. Est-ce qu'il y a quelques vérités à partager avec les auditeurs ? Oui. Alors, quelle vérité Dieu nous révèle ce matin au verset 27 ? Le verset 27 me paraît être une vérité. Je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. D'abord, la paix. Je vous donne ma paix. Et le texte du verset 27 dit « Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Mais avant ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit que « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La façon de donner du monde, au fond, ce n'est pas une paix. Le monde ne peut pas vous donner la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Satan ne peut pas vous donner la paix. Donc, voyez-vous que les populations au niveau de cette planète doivent revenir tous à Jésus-Christ pour avoir la vraie paix. Parce que le diable n'aime que la guerre, le trouble. Quelquefois, on enveloppe, on enrobe quelque chose de semblant de paix. Vous le prenez, c'est la guerre. C'est Jésus-Christ qui donne la vraie paix. Ce texte est très important pour nous tous. Le verset 27. Je vous laisse la paix. Avant de partir, Jésus-Christ a laissé la paix à ses enfants. Donc, voyez-vous que les églises ne doivent pas être troublées. Les problèmes de leadership ne doivent pas troubler la quiétude des églises. Et pourtant, qu'est-ce que nous constatons? Jésus-Christ dit qu'il nous laisse la paix. Quelquefois, l'église locale oublie que Jésus-Christ nous a laissé la paix et des gens commencent à sortir des armes entre frères pour des questions banales, des choses banales liées à l'égocentrisme de l'homme. Et on trouble ainsi la paix, mais alors ça c'est très grave parce que le Christ, quand il regarde ça, il a de l'amertume dans le cœur parce qu'avant de partir, il nous a laissé la paix, pas celle que le monde donne, qui est éphémère. C'est la paix totale. Et dans la paix est enrobée la miséricorde, l'amour. Le mot paix, miséricorde, sont enrobés dans l'amour, sans fin. S'il y a la paix, c'est parce qu'on s'entraîne. L'amour nous pousse à la paix. Bien-aimé, cette vérité fondamentale de Jésus-Christ s'adresse à nous et nous devons saisir l'occasion pour nous désarmer. Désarmons nos cœurs et libérons tout ce que nous avons mis en prison, que nous attendons au tournant. S'il tombe dans mon canari, je lui montrerai qui je suis. N'attends pas que quelqu'un tombe dans ton canari. Au contraire, va à la réconciliation. Nous devons nous réconcilier parce que nous sommes tous frères d'une planète que Dieu nous a gracieusement donnée. Et il a visité cette planète pendant 3 ans à travers Jésus-Christ pour l'embellir, pour que l'homme soit heureux. Pourquoi alors vouloir la guerre quand il nous propose la paix? Que Dieu nous bénisse. Amen. On va conclure cette émission avec vous, Monsieur le Président, Président Ndori Achi Jean. Le texte, nous le rappelons, Jean chapitre 14, verset 15 à 31. Alors, pour l'application, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme suggestion? Oui, oui. Alors, pour l'application, ce que je suggère, c'est que l'Église retourne à la parole. Certainement que les gens ne lisent plus les textes, c'est pour cela qu'ils ont des comportements. La Ligue pour la lecture de la Bible vous offre de revenir au texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, et de reconsidérer les voies pour qu'il y ait la paix dans l'Église, pour qu'il y ait la paix dans les communautés, pour qu'il y ait la paix dans les foyers, pour qu'il y ait la paix dans le pays. Ça, c'est écrit. Vous allez dire que non, il y a longtemps que vous avez lu. Ce matin, nous sommes en train de le lire pour rappel. Vous qui êtes chrétien, vous qui n'avez jamais lu la Bible, courez et achetez votre Bible et lisez le chapitre 14. Vous allez voir que la promesse de Jésus-Christ est merveilleuse. Il nous promet la vraie paix. Il nous donne la paix, pas comme le monde donne. Et si nous tous nous saisissons la paix de Jésus-Christ, la Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire sera délivrée. Elle est enchaînée par l'ennemi, le diable. Et elle vit loin de la paix de Jésus-Christ. Malgré le foisonnement des églises, il y a la peur qui est semée. Revenons donc à la vraie réalité que les églises jouent leur rôle en offrant la paix à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, pour que nous soyons tous frères et sœurs. Nous nous tenons les mains pour chanter à l'unisson la paix de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il revient bientôt. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, Président Ndori Achi Jean. Le texte que nous avions lu, c'est Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Nous vous invitons à la page 38 dans le lecteur de la Bible édition 2020 pour la note explicative intitulée « Il y a réconfort par trois points de suspension ». Nous avons été heureux de présenter ce numéro de Méditons ensemble en votre compagnie. L'émission a été mise en onde par Emmanuel Yao. Je suis à Dombi à l'Expo. Comme demain, avec le président Ndori Achi Jean, nous allons aborder le chapitre 15 de Jean. Nous lirons les 8 premiers versets. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à vous. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.